DJ Viello, DJ Anilson, Real Family, Hi, Nat, Dani, NKM, nos curti nos son. Ouais, déverrouille ton téléphone, lève ton bras. Position 1, 2, 3. Allez, mettez vos snaps, mettez vos snaps, mettez vos snaps, mettez vos snaps. Allez, mettez vos flashs, mettez vos flashs, mettez vos flashs, mettez vos flashs. Allez, mettez vos snaps, mettez vos snaps, mettez vos snaps, mettez vos snaps. Allez, mettez vos flashs, mettez vos flashs, mettez vos flashs, mettez vos flashs. Oh, j'ai son snap. Oh, j'ai un snap. Mettez vos flashs, oh j'ai son snap.